DJ Scott. Est-ce que ça va ou quoi? Paris c'est doux. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle la vida loca. Quero tanto essa sua boca. Eu adoro te deixar bem louca. Não complica, dê-me um kiss. A madame veio de Nice, oui. Atriz em Paris. Lafayette é muito belle. Ela vem da Torre Eiffel. C'est moi. Vem avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est que se passe. C'est que se passe. DJ Scorp. C'est pas mon problème. Allons-y. Allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Ah ouais, je peux pas nier que j'ai les nerfs de toutes ces meufs qui m'ont laissé. Les prochaines vont payer, personne n'est épargné, je ferai du sale avant que je n'ai qu'à. Et même les petites PM, j'ai laissé à 5 compasses sur la table. Heureux de la France, c'est pas qu'on a un chapeau, ma fille à loin, n'a qu'à du lang. Ici, au premier rang, sans même avoir fourni d'efforts. Je souffrais comme si je bossais à la morgue. Mes gars sont chopés, donc je dis DJ Scorp. J'ai dû laisser tous ces chats qui croient ma carrière, c'est eux qui la tiennent. Ils disent que je suis pas plus un de la cité. Maintenant, ils sont forcés de m'accorder leur soutien. Soutien, soutien, soutien. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, bate, bate, bate e te fura. Desse benga eu tava à procura. Da banda pra França é loucura. Benga boita sempre a voz da surra. Represento essa minha cultura. Esse beat que está em altura. Tem dúvida? Vai levar surra. Talanga na chilo, buta oye basala na machine. Bangu na bakolo ba ebuta shinka. Siba oye ba yebi ba yebi. Moko mi ba lemi sa to maleke. Il n'y a que Dieu pour m'arrêter. Au revoir l'hiver, bonjour l'été. Faites passer mes gars et mes kindé. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, chérie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y, madame, allons-y.